Le danger annoncé par ce panneau concerne ce virage, oui, réponse A, non, réponse B, le prochain virage, oui, réponse C, non, réponse D.